Rose Jocelyn par André Theuriet. Lorsque je débutais dans la vie administrative, me dit mon ami Tristan, un caprice de mon directeur général m'envoya pour 6 mois dans une petite ville picarde, située au bord de l'estuaire limoneux où la Somme se jette dans la Manche. La ville, allongée assez pittoresquement au pied d'une colline, est divisée en 2 parties. Le quartier populeux et grouillant qu'habitent les commerçants et les pêcheurs, puis le quartier bourgeois où l'herbe pousse dans les rues somnolentes. En face, de l'autre côté de la baie, on aperçoit à perte de vue les dunes de Saint-Quentin que ronge une mer dure et grise. En arrière, le site a plus d'intimité et de douceur. Les herbages enceinturés de hêtraies, les vergers plantés de pommiers, donnent un avant-goût de la Normandie qui est proche. J'arrivais dans cette petite ville à la fin de mars par un temps maussade et pluvieux, et je m'y ennuyais d'abord férocement. Je n'y étais pas, cependant, tout à fait isolé. On m'y avait recommandé à un inspecteur des douanes, un monsieur Salnel, ami de ma famille. Ce brave homme se mit en 4 pour me rendre la vie agréable. Il m'installa dans une maison du quai de la Ferté, où demeurait une de ses parentes, et où, grâce à lui, j'occupais une confortable chambre garnie ayant vue sur le cap Hornu et sur la mer. De plus, il m'accueillit chez lui très hospitalièrement et m'invita à y venir passer toutes mes soirées. Ces soirées auxquelles j'étais si affablement convié ne m'offraient, je dois l'avouer, qu'une médiocre récréation. Les hôtes qui fréquentaient le salon de l'inspecteur étaient des bourgeois assez éteints, enragés joueurs de whist, et comme j'ai toujours eu les cartes en horreur, il ne me restait d'autre ressource que de converser avec cette parente dans la maison de laquelle M. Salnel m'avait trouvé un logement. Elle se nommait Mme Jocelyn et était la veuve d'un capitaine au long cours. Maigre, frêle, éprouvée par de douloureuses névralgies, elle avait le corps d'une vierge pré-raphaélite. Ses cheveux précocement blanchis la vieillissaient, et bien qu'elle comptât tout au plus 35 ans, pour moi qui n'en avais que 25, elle n'existait pas en tant que femme. Je la regardais comme une créature insexuelle, une âme ayant à peine une ombre de corps. Dans l'ovale délicat et très fin de sa figure souffreteuse, ses yeux seuls restaient extraordinairement jeunes et éloquents, 2 yeux bleus profonds, au regard pénétrant et fouilleur, à la prunelle scintillante comme un saphir. Oui, Rose Jocelyn n'était qu'une âme, mais une âme charmante, ainsi que je m'en aperçus après 2 ou 3 intimes causeries dans le salon banal de l'inspecteur des douanes. Elle était excellente musicienne et possédait une culture intellectuelle bien supérieure à celle du milieu qui l'entourait. Parlant parfaitement l'anglais, elle connaissait à fond les poètes lyriques de l'autre côté de la Manche et en appréciait les qualités ou les défauts avec un sens et un goût très sûrs. J'apportais à la discussion une ardeur toute juvénile et je devinais parfois un attendrissement de son regard, que mon enthousiasme ne lui déplaisait pas. Mais comme nous habitions la même maison, M. Salnel me priait chaque soir de servir de cavalier à ma voisine. Nous nous en revenions familièrement le long du quai. Je lui offrais mon bras, qu'elle acceptait sans pruderie, et souvent, pendant les belles nuits de mai, nous nous arrêtions à écouter les rossignols qui chantaient parmi les vergers des corderies. Devenue plus expansive, elle me parlait de son précoce veuvage, me questionnait sur mon enfance, sur mes projets d'avenir, et me prodiguait des conseils que je trouvais amicalement maternels, mais qui, si j'avais été plus observateur, m'auraient un peu alarmé par la vivacité très tendre avec laquelle ils étaient donnés. Quand nous arrivions sur son palier, elle me souhaitait le bonsoir et me serrait la main avec une singulière nervosité. Rose Jocelyn était si peu une femme à mes yeux que je n'y prenais seulement pas garde. Tandis que notre amitié s'affermissait, juillet était venu, et avec lui, la saison des bains de mer. Bien que la petite ville fût une station balnéaire de médiocre importance, cependant, à cette époque, elle s'animait. Elle était fréquentée par quelques Parisiens, et surtout par des familles picardes, qui y trouvaient le gîte et le couvert à bon marché. Comme mes 25 ans me tourmentaient fort, je profitais du laisser-aller qu'amenait avec elle la colonie étrangère des baigneurs pour jeter ma gourme et prendre une maîtresse. Mon Dieu ! La conquête que je fis n'avait rien de bien relevé. Il s'agissait simplement de la femme de chambre d'un ménage parisien descendu à l'hôtel du commerce. Mais en pareille matière, je me rangeais à l'opinion d'Ovide, qui ne rougissait pas de serrer dans ses bras la brune Sipassis, esclave de Corinne. La chambrière en question était une jeune et jolie fille, fort affriolante, et elle m'aimait de tout son cœur. La nuit, lorsque ses maîtres étaient couchés, elle s'esquivait de l'hôtel. J'avais une clé ouvrant la porte de ma maison, et une fois mon amoureuse entrée dans le vestibule, je la portais à califourchon sur mes épaules jusqu'à mon troisième étage, afin de ne pas éveiller les soupçons des locataires. Au matin, avant l'aube, même manège, et nous nous aimions en parfaite sécurité. Néanmoins, en dépit de toutes ces précautions, mon aventure ne demeura pas aussi secrète que je l'avais espéré. Au bout d'un mois, je crus remarquer un changement dans l'attitude de Madame Josselin. Elle devenait plus réservée, plus morose aussi, et quand nous nous rencontrions, elle me dardait de froids regards hostiles. Un après-midi de septembre, comme je rentrais chez moi, en arrivant au deuxième étage, je vis la porte de la veuve ouverte. Madame Josselin était debout sur le seuil et me fit signe d'entrer. Quand elle m'eut introduit dans son salon, elle me jeta un coup d'œil à la fois attristé et affectueux. « Monsieur Tristan, murmura-t-elle en rougissant, il court dans la maison des bruits qui sont peu à votre avantage. On dit que vous avez une maîtresse et que vous l'introduisez ici inutamment. Je ne veux rien croire, mais enfin, je suis trop votre ami pour ne pas vous prévenir de ce qui se passe. Le locataire du rez-de-chaussée est indigné. Il se propose de vous guetter. S'il vous surprend en faute, il jure de mettre honteusement votre complice à la porte. J'ai regardé comme un devoir charitable de vous en avertir, et si vous êtes coupable, de vous épargner du moins la honte d'un esclandre. » En même temps, elle attachait sur moi des yeux à la fois interrogateurs et suppliants. « Hélas, madame, je vous remercie, madame. » Puis, tout à trac, je lui contai mon aventure. Brusquement, la physionomie de madame Josselin s'altéra. Ses prunelles bleues prirent des teintes d'orage et j'y vis luire un éclair de passion et de colère. « Ainsi, reprit-elle violemment, c'était vrai, vous aimez cette fille à cet ignoble. Des créatures pareilles devraient être fouettées en place publique. » Je la regardais, abasourdi. La haineuse expression de ses traits, la véhémence de ses paroles tranchaient tellement avec sa mansuétude ordinaire que j'en étais presque choqué et gêné. Rose Josselin vit ma stupeur. Une soudaine réaction s'opéra en elle. Sa physionomie s'adoucit, ses yeux se mouillèrent, puis me prenant les mains avec vivacité. « Pardon !» balbutia-t-elle. « Pardon de m'être emporté de la sorte, mais j'avais pour vous tant d'estime, tant de sympathie. Je vous aimais tant. » Elle sanglotait. Tout d'un coup, elle se jeta dans mes bras, et je sentis sur mes lèvres un frémissant baiser. Instinctivement, je fis le geste de me dégager. Alors elle eut honte à son tour de son désordre d'esprit. Elle se recula, couvrit de ses mains ses joues brûlantes et fondit en larmes. « Allez-vous-en » murmura-t-elle à travers ses sanglots. « Pour Dieu, laissez-moi !» Et je lui obéis lâchement. Je me sauvai chez moi, me reprochant ma dureté de cœur, mais éprouvant en même temps un frisson à la pensée de cet amour insoupçonné et qui me paraissait ridiculement impossible. Comme l'enfance, la jeunesse est sans pitié. Pauvre Rose Josselin, je ne l'ai plus revue. Mon intérim administratif touchait à sa fin, et je me hâtai de regagner Paris aussitôt que je le pus. 30 ans se sont passés. Madame Josselin est morte. Et aujourd'hui encore, quand je songe à ses cheveux blancs, à ses yeux printaniers, je sens au-dedans de moi la piqûre douloureuse et pourtant chère d'un persistant remords. Ainsi s'achève Rose Josselin par André Theuriet.